À la fin du 19e siècle, des expériences de physique ont établi que la vitesse de la lumière dans le vide était finie et égale à 300 000 km par seconde. D'autres expériences ont montré que si une source de lumière se rapproche de vous à 100 000 km par seconde, la lumière qu'elle émet viendra toujours vers vous à 300 000 km par seconde et non pas à 400 000 km par seconde. Albert Einstein a résolu ce problème en 1905 en bouleversant nos conceptions intuitives de l'espace et du temps. C'est ainsi que naquit la théorie de la relativité restreinte et en 1915, il y a donc 100 ans cette année, il généralisa cette théorie en tenant compte de la gravitation et c'est ainsi qu'est née la relativité générale. Alors pour nous en parler, j'ai au bout du fil Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, si tu commençais en nous expliquant ce qu'est le principe de relativité. Le principe de relativité est basé sur le fait que les lois de la physique sont universelles. Elles sont toujours les mêmes, où qu'on soit dans l'univers. Une planète qui tourne autour d'une étoile, un électron qui tourne autour de son proton, le font toujours de la même façon, que ce soit ici dans nos labos ou bien qu'on les regarde sur une planète quelconque dans notre Voie lactée ou même dans une galaxie, si on pouvait voir de tels objets, à des milliards d'années-lumière. Et le principe de base qui sous-tend ce que Einstein va faire pour un peu accorder toutes les choses qu'on observe avec cette constante des lois physiques, le principe de base, c'est ce qu'on appelle le principe de l'invariance des lois physiques. Donc, ce que fait Einstein, laissez-moi vous donner une analogie, et puis on va commencer un petit peu par la relativité restreinte ici, que vous avez mentionné, que Einstein a proposé à l'âge de 25 ans, environ 26 ans, en 1905, donc il y a 110 ans. L'analogie que je veux faire, c'est tout simplement, pour vous montrer ce qui se passe, c'est penser lorsque vous êtes en voiture ou vous attendez que le feu rouge tourne au vert sur le coin d'une rue, une ambulance s'en vient avec la sirène au max. Quand l'ambulance vient vers vous, vous allez entendre le son de la sirène un peu plus aigu, elle va passer devant vous, vous allez entendre un certain son, et l'ambulance va s'éloigner, vous allez percevoir que le son est plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, je pense. Oui, mais en fait, il y a quelque chose qui nous fait, qui ramène à ça. Ce que vous savez bien, c'est ce n'est pas la tonalité de la sirène qui change. C'est finalement le fait qu'il y a mouvement entre vous qui écoutez et l'objet qui émet le son, qui est l'ambulance en mouvement. Donc, le son vous paraît différent, mais il ne l'est pas. Donc, le point ici, c'est que faut toujours, pour savoir ce qui se passe réellement, quelle est la tonalité réelle du son émis par l'ambulance, faut connaître la vitesse. Il faut réaliser qu'il y a une vitesse relative entre nous qui écoutons et l'ambulance qui émet. Et cette analogie-là, en fait, on peut la projeter à grande échelle. Que toutes les fois qu'il y a mouvement entre un objet physique et nous, quelconque, donc c'est le mouvement, parlons ici de mouvement uniforme, ce qui est important, il y aura toujours quelque chose qui va nous paraître un peu bizarre. La sirène change de tonalité. Et on va voir, l'atome semble faire des choses bizarres. La planète semble faire des choses bizarres. Alors que le simple fait, la chose qui se passe, c'est qu'il y a mouvement entre nous et l'objet quelconque, quelle que soit sa distance, et il faut tenir compte de ce mouvement pour bien mesurer, interpréter ce qui se passe vraiment. Donc, c'est le principe de relativité qui est basé sur le fait qu'il est important de tenir compte de la différence de vitesse ou du mouvement relatif entre des objets, d'où le nom relativité. Et que, au fond, l'atome émet toujours à la même fréquence, la sirène émet toujours à la même fréquence, et si on l'aperçoit différemment, c'est qu'il y a mouvement, et d'ailleurs, on peut tourner ça à l'envers et prendre ce changement de comportement pour dériver, par exemple, la vitesse de quelque chose. Et ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup subtil. Donc, ce principe-là, il était connu, en fait, il a été mis au point par Galilée au 17e siècle, donc il y a très longtemps. Et qui, et en fond, c'était de dire qu'on ne sait jamais si on est en mouvement ou au repos. Certaines expériences physiques peuvent être faites, mais elles ne peuvent pas établir que nous sommes en mouvement absolu, que nous sommes au centre de l'univers, etc. On est toujours en mouvement par rapport à autre chose, et cette différence de mouvement, c'est la seule chose qu'on puisse mesurer. La relativité, c'est ça. Ouais. Et ce qu'Einstein fait, par exemple, c'est que, et vous avez fait allusion dans l'introduction, François, c'est que tout ça va très bien si les vitesses, en fait, on peut accepter qu'il y ait des vitesses infinies, donc des vitesses, si une voiture s'en vient vers vous dans la voie opposée sur l'autoroute, elle s'en vient à 100 km à l'heure, vous allez à 100 km à l'heure dans le sens opposé, la différence de vitesse est de 200 km à l'heure. Et ce que Einstein fait, il transforme toute cette vision du monde, de la relativité, des mouvements comparatifs, en disant il va y avoir quelque chose de phénoménal qui va se passer s'il y a une vitesse limite. Mm-hmm. Et vous avez fait allusion, c'est que si vous allez sur l'autoroute, imaginez-vous, vous êtes une particule de lumière sans masse, vous allez à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde dans la direction de Montréal, et la voiture s'en vient vers Québec, imaginons à 300 000 km par seconde, la différence ne sera pas de 600 000 km par seconde, elle sera de 300 000 km par seconde, la vitesse limite de toute information dans l'univers. Donc, la sommation des vitesses que nous, à laquelle on est habitués, cette sommation-là, ce principe-là ne fonctionne plus aux vitesses qui s'approchent de la lumière. Et Einstein a introduit ce principe-là et a introduit les relations qui permettent de traduire ce qu'on observe quand les objets se déplacent par rapport à nous à une vitesse proche de celle de la lumière. Et il est arrivé à des choses bizarres que les objets vont avoir des comportements bizarres. Par exemple, et c'est toujours dans ce contexte de la relativité restreinte, imaginez que vous voyez une fusée passer devant vous qui va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière et que cette fusée a une horloge à bord qui est identique, analogue à une horloge que vous avez au sol. Vous allez voir cette horloge-là battre le temps beaucoup plus lentement que votre propre horloge. Et l'horloge va vous apparaître, en fait, compressée dans le sens de la direction du mouvement. Donc, ce qu'on parle, c'est d'étirement du temps, contraction de l'espace, qui est un effet, encore une fois, qui est un effet observé, parce que l'objet lui-même, l'horloge continue à battre selon la physique des atomes qui la constituent. L'horloge, si vous êtes un astronaute dans cette fusée qui voyage à une vitesse très grande, vous allez voir votre horloge, c'est une montre, entre guillemets, elle paraît être ronde aussi, comme elle le serait pour l'observateur sur Terre, mais celui qui est dans l'espace, qui vous regarde, va voir contracter, va voir votre horloge aussi qui est différente à son battement. Et ça, c'est dû au fait, Jean-René, que bon, pour Newton et Galilée, évidemment, dans la mécanique classique, le temps était fixe et absolu. Absolument. Ce qui est différent pour la relativité restreinte. Exactement. Donc, ce qui reste, qui ne change pas, ce sont les lois physiques. Et c'était le premier pas ici, Einstein, c'est que l'espace et le temps ne sont pas absolus, ne sont pas rigides. Elles vont, en quelque sorte, il y a quelque chose comme des contractions de l'espace, de l'étirement du temps ou un battement plus lent du temps. Donc, le temps et l'espace ne sont plus des absolus. Et l'extrême de ça, c'est que plus vous approchez, vous voyez un objet qui s'approche de la vitesse de la lumière, plus son horloge paraît battre lentement. Le temps va, en quelque sorte, au moment où vous arrivez à la vitesse de la lumière, cette horloge-là va paraître à s'arrêter. C'est ça. Donc, pour le photon, le temps n'existe pas. En fait, la vitesse, on pourrait dire, dilate le temps, si on pourrait dire. La vitesse dilate le temps, en effet, et contracte l'espace. Toujours, c'est un effet relatif. C'est un effet de phénomènes que vous observez, vous, en regardant l'objet qui se déplace à de grandes vitesses. Intrinsèquement, si vous êtes à bord de cette fusée qui voyage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, parce qu'on ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière si on a une masse, vous allez voir les choses se déroulant de façon normale. Sauf que si vous faites ça pendant, si vous voyagez à la vitesse, par exemple, 85% de la vitesse de la lumière pendant des années, et vous revenez sur Terre, vous allez revenir beaucoup plus jeune que vos semblables sur Terre, parce que votre horloge, en quelque sorte, va avoir battu le temps de façon beaucoup plus lente que pour ceux qui sont restés ici, à vitesse, entre guillemets, de terre à terre. Effectivement, donc, il n'y a plus un temps, mais il y a une infinité de temps différents, puis chacun avec son rythme qui est propre, finalement. Non, il faut faire attention. C'est toujours, oui, d'une certaine façon, c'est correct, mais c'est toujours du point de vue de l'observateur, en quelque sorte, et de l'observer qu'il y a cette différence-là. Il faut toujours penser que la personne, en quelque sorte, n'a pas vieilli différemment, mais il y a quelque chose qui s'est passé, en effet, par ce mouvement à très grande vitesse qui va avoir changé son rythme d'horloge. D'ailleurs, il existe un paradoxe des jumeaux de Langevin. Exactement, je sais pas si vous connaissez, oui. En fait, ce dont vous avez parlé, ce sont des jumeaux, donc ils ont le même âge. Il y en a un qui part dans une fusée et qui va avec une vitesse assez proche de celle de la lumière et il revient après 3 mois. Et finalement, pour accueillir c'est pas son frère jumeau qui l'accueille, mais c'est ses petits-enfants. Ah oui, exactement. Oui. Parce que finalement, leur horloge n'a pas battu à la même exactement, mesure. Exactement, oui. Donc ça, c'est la relativité restreinte. Donc, l'autre aspect que Einstein a dérivé d'une façon relativement simple de cette analyse de ce qui se passe quand on regarde les choses qui vont à une vitesse très élevée, mais où la vitesse limite, la vitesse de la lumière, c'est d'analyser certains de ces principes-là, la façon dont les systèmes vont échanger l'énergie, de la façon dont on va émettre et absorber la lumière. Il a dérivé son fameux E est égal à MC2. Oui, oui. C'est probablement l'équation la plus connue par tout le monde. Donc, ça fait partie de son principe de relativité restreinte. Et d'ailleurs, cette analyse était faite dans un article différent un peu plus tard, en 1905. Ici, on revenait maintenant un peu à la relativité générale, puisque c'est le sujet de notre... C'est quoi la différence fondamentale, finalement, entre la relativité générale et la relativité restreinte? La différence est tellement grande, finalement, qu'on peut parler de deux théories différentes. Okay. Donc, en fait, dans le premier temps, Einstein s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand j'analyse des systèmes qui voyagent par rapport à nous, observateurs, à de grandes vitesses, proches de celles de la lumière, mais leur vitesse, elle est constante, elle est uniforme. Okay. Donc, il a dérivé tout ça. Mais ce qui agaçait Einstein, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qui allait se passer si, au lieu d'être un mouvement uniforme, c'est un mouvement accéléré. Oui, effectivement. Donc, et là, ça a été... quelque chose de beaucoup plus difficile. Alors qu'il a construit sa théorie de la relativité restreinte en quelques mois, pour arriver au résultat de la relativité générale dont on célèbre le 100e anniversaire, l'effort a été fait pendant presque une dizaine d'années. Il a commencé en 1907 et il a fini en 1916. On considère que le papier principal a été publié il y a à peu près exactement 100 ans, en novembre 1915. Et là, il avait trouvé une solution qui est assez phénoménale. Et ce qu'il a fait quand même pour arriver à ce résultat, c'était ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et ce que Einstein, la première chose qu'il s'est dit, si on avait des ascenseurs à l'époque, donc il imaginait que je me mets dans un ascenseur et on coupe les câbles, pas de système de freinage. Donc, il tombe en chute libre. Je tombe en chute libre et... Je vais mettre un objet à côté de moi et l'objet va tout simplement tomber avec moi. Okay. Donc, je vais annuler l'effet de la gravité, de l'effet de pesanteur. J'annule. Okay? Donc, c'est un effet que vivre tous les jours, comme nos astronautes, les 6 astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Ces astronautes, en fait, tombent toujours en chute libre. Vu qu'ils sont en orbite autour de la Terre, ils tombent toujours à côté de la Terre. Oui, c'est la façon de le voir. Et ce faisant, ils éliminent pratiquement complètement l'effet d'apesanteur. Et on a vu des images, des expériences et tout, qui sont assez intrigantes de la part de ces astronautes. Et Einstein s'est dit, si en chute libre, je peux annuler une chute libre, qui est une chute en accéléré, hein. Tout à fait. L'ascenseur part lentement et si vous le laissez tomber sans freiner, ça va cogner dur en arrivant au sol. Mais là, Einstein, on le dit, il n'a pas fait l'effet, il n'a pas fait l'essai de cette expérience-là, il l'a fait dans sa tête. Il s'est dit, si je peux annuler la pesanteur par une chute libre, un mouvement accéléré de chute libre, comme la balle qui retombe et moi qui descend avec l'ascenseur avec la balle, en quelque sorte, il dit, je peux recréer un effet de pesanteur si j'imagine une espèce de laboratoire que je mets quelque part entre les étoiles, loin de toute planète, et que je mets à accélérer ce laboratoire. Donc, je peux l'accélérer. Si j'accélère de 10 mètres par seconde, je vais créer exactement le même effet de pesanteur que sur Terre. Alors, est-ce qu'on doit comprendre de ça, Jean-René, que est-ce qu'il y a une équivalence entre la gravité puis l'accélération, quoi? Exactement. Donc, il fait ce qu'on appelle le principe d'équivalence et on ne peut pas dans ce fameux laboratoire imaginaire entre les étoiles, qu'on accélère d'une façon continue, donc à la première seconde, à zéro seconde, c'est vitesse zéro, à la deuxième seconde, c'est 10 mètres par seconde, à la première seconde, 10 mètres par seconde, deuxième, c'est 20 mètres par seconde, etc. et tout. Et si vous continuez pendant un an à ce taux d'accélération, vous allez atteindre la vitesse de la lumière après un an, en fait. Ce qui est assez amusant à penser. Donc, évidemment, ça demanderait des quantités colossales d'énergie et Einstein se met à penser aux conséquences. Comment je vais observer les différents phénomènes si je me mets à faire des expériences dans ce fameux laboratoire? Et là, il arrive à des choses, c'est difficile à détailler, mais il va montrer d'abord que dans un système accéléré comme celui-là, les horloges, entre guillemets, vont paraître ralentir. Donc, les horloges dans un système où il y a de la gravité, comme dans le système de laboratoire imaginaire, les horloges vont paraître ralentir, battre plus lentement si vous êtes quelqu'un qui est de l'extérieur où il n'y a pas d'accélération ou si vous êtes quelque part dans l'espace où il n'y a pas d'effet de gravité. Et l'autre chose, la conséquence encore plus dramatique, entre guillemets, c'est qu'il a mis en évidence un autre effet qui était une conséquence brutale des mathématiques qu'il appliquait, que finalement, l'espace va courber en présence d'accélération ou en présence de masse qui crée de la pesanteur. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est typique à la théorie générale, ça. Absolument. C'est fondamental. Donc, c'est pour ça que la théorie de la relativité générale devient, en fait, une théorie de la gravitation qui remplace avec beaucoup plus de force et de puissance la théorie que Newton, Isaac Newton, avait proposée et mise sur pied au 17e siècle. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que la théorie générale englobe celle, la relative et celle complètement. Et fait des prévisions, des prédictions beaucoup plus précises et surtout, elle permet de décrire les phénomènes physiques, les interpréter correctement lorsque la force de gravité ou les masses sont très grandes, très fortes, comme dans des environnements comme ceux des trous noirs ou autour des étoiles très, très massives. Et est-ce qu'on doit comprendre aussi que les masses courbent l'espace-temps? Exactement. Plus elles sont grandes, plus c'est comme l'analogie de bidimensionnelle, par exemple. Les gens, si vous avez vu une trampoline, vous mettez un enfant, ça creuse la membrane. Si vous mettez un deuxième enfant, ça va faire un autre trou, etc. et tout. Donc, disons, mettez trois enfants, on les arrête de sauter. Donc, même s'ils sautent pas, la membrane va s'incurver et va prendre une espèce de courbure d'autant plus grande que l'enfant sera plus pesant, entre guillemets, sa masse sera plus grande. Et si vous envoyez une balle, elle va suivre une trajectoire qui va produire des courbes, en quelque sorte, parce qu'elle va suivre la surface de la membrane qui était courbée par la présence de la masse des enfants. C'est une analogie à deux dimensions. Dans l'espace, c'est plus complexe parce que cette courbure, mais l'analogie, elle est bonne, cette courbure dans l'espace se fait dans trois dimensions, en fait. C'est un peu plus complexe. Et j'imagine qu'on peut dire aussi que, si on prend l'exemple du vaisseau spatial là, qui tourne autour d'une planète, que, en fait, pour lui, le vaisseau spatial, lui, il va toujours en ligne droite. C'est, en fait, il va dans un espace temps qui est courbé par la présence de la Terre. C'est comme ça qu'on pourrait voir ça, quoi? Oui, en fait, il va courber comme dans l'exemple du trampoline. La balle que vous lancez d'un côté, elle va ressortir de l'autre côté de la trampoline. En ligne droite. Pas au même endroit que si la trampoline était sans présence de masse. Donc, on va changer la direction des rayons lumineux, par exemple. Et en fait, la façon de le voir, souvent, c'est que quand vous allez avoir de grandes concentrations de masse, comme les grands amas de galaxies dans l'univers, vous allez avoir des effets qu'on appelle des effets de lentille gravitationnelle. Vous allez changer la direction de la lumière, mais indirectement, il y a un effet fort intéressant, c'est que vous allez créer un effet de lentille qui va vous permettre de voir dans l'univers beaucoup plus loin, comme si vous aviez un télescope géant. Mais l'autre aspect, François, qui est très intéressant, et c'est un des aspects où il y a une retombée pratique de la relativité générale, c'est que, je l'ai mentionné plus tôt en parlant du fameux laboratoire imaginaire d'Einstein en accélération, c'est que les horloges à la surface de la Terre ne battent pas au même rythme que la même horloge que vous avez en orbite. OK. Et ça, ça a un impact immédiat sur le système, par exemple, des Global Positioning Satellites. Le GPS. Le GPS. Donc, le GPS, lui, il est à 20 000 km au-dessus de la Terre. Donc, il sent une force de gravité plus faible que celle qui est sur la Terre. Parce qu'il est plus loin, quoi. Il est plus loin, sa force de gravité. Donc, la gravité est un peu plus faible. Exactement. Donc, les horloges à bord des GPS sont essentielles pour faire marcher le GPS. Parce que tout ça se met en relation, calcule les positions constamment au fur et à mesure que le système des, je me souviens plus combien, des 12 GPS sont autour de la Terre. Donc, ce qui se produit, c'est que les GPS, nous, on voit l'horloge des GPS qui sont identiques à celles qu'on a sur la Terre. On les a fabriquées de la même façon. On voit les horloges des GPS perdre chaque jour 38 microsecondes. OK. Par rapport à notre horloge. Et nos horloges ont une précision de 1/1000 de microseconde. Donc, c'est énorme. C'est énorme, cette dérive. Et si vous ne teniez pas de l'effet de ralentissement des horloges dans notre champ de gravité plus fort que celui senti par les horloges du GPS, le GPS perdrait contrôle de la position, vous donnerait des positions tout de suite de 10 km erronées par jour. OK, OK. Donc, en fin de semaine, là, si vous sortiez sur votre balcon, là, il vous positionnerait, là, au lieu d'à Québec, vous seriez quelque part dans la région de Montréal ou en Abitibi et peut-être à 4-5 kilomètres en dessous de la Terre. Donc, il y aurait un petit problème. Donc, on doit corriger les horloges GPS et la relativité générale nous dit pourquoi et surtout de combien les corriger. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment une application pratique de la relativité générale. Ça. Absolument. Dans la vie de tous les jours maintenant, et c'est retombé, justement, l'effet est très faible. Mais on a poussé des technologies maintenant où il faut tenir compte des effets de la relativité générale dans la vie quotidienne. Et il y aura de plus en plus d'effets comme ça dont il faudra tenir compte. Jean-René, la théorie de la relativité générale prévoit aussi l'existence d'ondes gravitationnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Donc, revenons, c'est ça qui est incroyable. Donc, il faut imaginer l'espace. On a déjà mentionné l'espace, quelque chose qui n'est plus quelque chose de rigide, de fixe, d'absolu. Et revenons à l'analogie de la membrane de la trampoline. Donc, l'espace devient contractable, étirable, flexible. Okay. Et une propriété de la relativité générale qui a été dérivée d'abord par d'autres chercheurs, Einstein n'y croyait pas au début, mais à la fin, il s'est rallié, c'est que cette membrane, comme toute membrane, et vous imaginez l'espace comme tel, qui n'a pas cette rigidité, mais si vous laissez tomber un petit quelque chose dedans, vous allez avoir une vibration possible qui va pouvoir, comme une onde, se propage lorsque vous laissez tomber un caillou dans un étang d'eau. Okay. Donc, dans le cas de la relativité générale, on prévoit que lorsque deux masses très importantes vont se fusionner, comme deux trous noirs, deux étoiles à neutrons, elles vont générer une espèce d'onde de choc qui va se propager dans l'espace et qui pourrait être détectable. Et on a construit de grands détecteurs pour essayer de capter ces ondes prédites par la relativité générale. Et est-ce que ça pourrait avoir un impact quelconque sur la Terre, ça? Ou sur, non. C'est, l'effet est absolument minime. Okay. Et c'est, les technologies développées pour essayer de détecter cet effet sont absolument fulgurantes, absolument incroyables. C'est comme si, ce qu'on essaie de mesurer, c'est que, dans un sens, l'espace va nous paraître contracté et dans l'autre sens, s'étirer. C'est comme si un ballon, vous le pressiez, va prendre la forme d'un œuf et osciller. De cette façon-là, orthogonalement. Et ce que vous essayez de mesurer, et on le fait sur une échelle avec des interféromètres ultra précis, on le fait sur quelque chose comme 4 kilomètres, ce qu'on essaie de mesurer de changement de longueur dans une direction par rapport à l'autre, sur une période de quelques secondes, c'est un changement de longueur équivalent au 10 millième du diamètre du proton. Oh. Donc c'est phénoménal. Petit. C'est comme essayer de mesurer, un changement de distance entre nous et l'étoile la plus proche, qui est à 4 années-lumière, un changement de l'ordre d'un centimètre. Mais on est arrivé, on est prêt à le faire. Et en terminant, Jean-René, comme toute théorie physique, alors, on manque de temps un petit peu, la relativité générale a ses limites. Est-ce qu'on peut rêver un jour d'avoir une super théorie qui engloberait la mécanique quantique adaptée au monde de l'infiniment petit et la relativité générale adaptée au monde de l'infiniment grand? C'est le grand défi sur lequel plusieurs personnes travaillent et s'y cassent les dents de façon continue. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi Einstein a consacré les dernière décennie de sa vie. Einstein est né en 79, comme je l'ai dit. 1879. Il est en 1879, il est décédé en 1956, et pendant à peu près de 1917 à 1956, il a essayé de développer cette théorie, et il n'était pas le dernier venu. Et plusieurs essaient d'y arriver, on a de meilleurs outils, mais je crois que c'est encore pour très loin dans l'avenir, une théorie unifiée qui va décrire tout ce qui se passe à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Et c'est comme un mur qu'il faut franchir pour relier ces choses-là qui sont très complexes. Alors, merci beaucoup, Jean-René Roy. C'est tout le temps que nous avons pour discuter de ce sujet très, très intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Et pensez, la prochaine fois que vous utilisez votre GPS, que Einstein vous permet de vous localiser avec précision. Merci beaucoup, Jean-René. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et publicitaire sur CKRL et nous vous reviendrons avec Cyril Barrette qui répondra à la question « L'espèce humaine aujourd'hui est-elle encore soumise à la sélection naturelle? » Alors, à tout de suite.